50 languages. 56. 56. 56. المشاعر. الأحاسيس. Les sentiments. Les sentiments. وجود رغبة. Avoir envie. Avoir envie. لدينا رغبة. Nous avons envie. Nous avons envie. لا رغبة لدينا. Nous n'avons pas envie. Nous n'avons pas envie. الشعور بالخوف. Avoir peur. Avoir peur. أشعر بالخوف. أنا خائف. J'ai peur. J'ai peur. لست خائفة. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. توفر الوقت. Avoir le temps. Avoir le temps. لديه وقت. Il a le temps. Il a le temps. لا وقت لديه. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. الشعور بالملل. S'ennuyer. S'ennuyer. هي تشعر بالملل. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. إنها لا تشعر بالملل. Elle ne s'ennuie pas. Elle ne s'ennuie pas. الشعور بالجوع. Avoir faim. Avoir faim. هل أنتم جياع؟ Avez-vous faim? Avez-vous faim? ألستم جياعا؟ N'avez-vous pas faim? N'avez-vous pas faim? الشعور بالعطش. Avoir soif. Avoir soif. هم عطشا. Ils ont soif. Ils ont soif. ليسوا عطشا. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.